Je suis pas si loin de l'abri bus. J'y repense quand je m'ai senti eux dans le bras bus. Je remets les TN, mais bon, je fais l'actu. Je la démonte, je trouve une cachette dans la voiture. Ah, et même si j'ai 2-3 mernes, t'inquiète pas, j'embarque personne dans la merde. T'inquiète, on connaît le vaitra. Ça revend, ça reprend toute la hacienda. Ah, mi amo, on tartine, jamais qu'il ne sait. Agnos, on parle en camembert, on parle en bastos. 1900 euros, tu gères le gastos. Sur nous, on cache les chlasses comme les capos. 3.2 sous le capot. Chemise hawaïenne avec les vatos. J'suis dans le coffee shop, j'suis dans la sauce. Cousin, y'a de la G13, tu veux, on propose. Autre chose, va y être doué des hachiches. À 10h30, j'dépose le matos. J'ai RDV à 13h dans la capi. C'est cardio, le BNF. Ça là, c'est à dépenser. Suffit d'une goutte pour tout faire déborder. Ça baisse le prix, j'suis obligé d'importer. Hey, hey. 50 kilos de marige. Au gramme, j'vais tout faire type. Latex bien denté pour juger, faut goûter. On joue nos vies, on joue la fine. Un million metido al vacío. Por la noche que cojo frío. Por la noche que le hice a mamá llorar. Por estar metido yo el lío. Conduce sin tener grima. La mente sola máquina. Y solo ella se imagina. En fuga de adrenalina, recorro la media esfera. Lo malo nunca me supera. Por dentro espero que se muera, pa' dejar de llevarlo por fuera. En un mundo que estoy entrando, y no veo que estoy creciendo. Y problemas van saliendo, por dentro me estoy muriendo. Y pienso a veces en salir, y no quiero pensar venir. Con nadie suelo discutir. No me gusta mentir. 50 kilos de María. El coche que nada cabía. Y pasa por comisaría. Pero no van a parar. Paquete a nadie se fía. Y yo sé que tú hablarías. Y eso no es cosa mía. Es tu problema de hablar. 50 kilos de María. Au gramme, je vais tout faire tipo. La texte bien cantée, pour juger faut goûter. On joue nos vies, on joue la fine. Un millón metido al vacío. Por la noche que cojo frío. Por la noche que le hice a mamá llorar. Por estar metido yo en lío.